La lecture du soir sur la radio des bons coups. La bonne lecture. Pour s'endormir tout en écoutant. La lecture du soir avec Mona et Louison. Bonsoir à tous. Vous êtes bien sur la radio des bons coups pour la bonne lecture du soir. Ce soir, nous continuons notre livre Christmas Pudding d'Agatha Christie. Notre ami Hercule Poirot est en train d'essayer d'élucider le mystère du meurtre de Sir Ben. Il a déjà interrogé une grande partie de la famille et des domestiques. Il ne lui en manque plus qu'un à interroger. Et nous entamons ce soir le chapitre 9. En fin de compte, ce n'est pas ce soir-là que Poirot devait rencontrer Victor Astwell. Retenu à Londres, celui-ci s'était excusé par téléphone. « Il s'occupe des affaires laissées par votre mari ?» demanda Poirot à Lady Astwell. Victor est un des associés. Il est allé en Afrique afin d'étudier certaines concessions minières pour la maison, dit Lady Astwell. C'était bien pour une affaire de mine, n'est-ce pas, Lily ? Oui, madame. Des mines d'or, je crois. Ou bien était-ce du cuivre ou de l'étain ? Vous devriez le savoir, vous, Lily. Vous posiez toujours des tas de questions là-dessus à Sir Ruben. Oh, faites attention, ma chère petite, vous allez renverser ce vase. Il fait affreusement chaud ici, avec le feu, dit la jeune fille. Est-ce que je peux ouvrir la fenêtre une minute ? Si vous voulez, mon petit, dit simplement Lady Astwell. Poirot regarda la jeune fille ouvrir la fenêtre et se pencher pour respirer l'air frais du jardin. Lorsqu'elle eut gagné son siège, il lui demanda aimablement : Vous vous intéressez aux mines, mademoiselle ? Oh non, pas beaucoup. J'écoutais ce que disait Sir Ruben, mais je n'y connais rien, déclara-t-elle. Alors vous faisiez joliment bien semblant, dit Lady Astwell. Le pauvre Ruben croyait même que vous aviez une raison particulière de lui poser toutes ces questions. Le détective n'avait pas quitté des yeux le feu qu'il regardait fixement. Néanmoins, la rougeur qui envahit soudain le visage de Lily Margrave ne lui échappa pas. Avec tact, il changea le sujet de la conversation. Lorsque vint l'heure de se retirer, il s'approcha de Lady Astwell. Je voudrais vous dire un mot, madame. Aussitôt, Lily Margrave quitta discrètement le salon. Lady Astwell regarda le détective. Madame, vous êtes la dernière personne qui ait vu Sir Ruben vivant. Elle fit un signe affirmatif et des larmes jaillirent de ses yeux. Elle y porta un mouchoir bordé de noir. Ne pleurez pas, madame, je vous en prie. C'est bien joli de dire ça, monsieur Poirot. Je ne peux pas m'en empêcher. Je suis un triple imbécile de vous faire de la peine comme ça. Mais non, continuez. Qu'est-ce que vous vouliez me dire ? Il était environ 11 heures, n'est-ce pas ? Lorsque vous êtes entré dans la salle de la tour. Et Sir Ruben a renvoyé monsieur Tréfousis, c'est bien cela ? Oui, je crois. Combien de temps êtes-vous resté auprès de Sir Ruben ? Il était exactement minuit moins le quart quand je suis entré dans ma chambre. Je me souviens d'avoir regardé la pendule. Lady Astwell, consentirez-vous à me dire de quoi vous avez parlé avec votre mari ? Elle éclata en sanglots et s'effondra sur le divan. Nous nous sommes disputés, gémit-elle. À quel propos ? Demanda Poirot d'une voix presque tendre. À propos d'un tas de choses. Ça a commencé par Lily. Ruben l'avait prise en grippe sans raison. Il prétendait l'avoir surprise fouillant dans ses papiers. Il voulait la renvoyer. Alors j'ai dit que c'était une fille charmante et que moi, je ne le voulais pas. Alors il s'est mis à crier et moi, je me suis regimbée. Je lui ai dit tout ce que je pensais de lui. Et au fond, je n'en pensais pas un mot, monsieur Poirot. Il m'a dit qu'il m'avait tiré du ruisseau pour m'épousser. Et je lui ai dit « Mais qu'est-ce que tout ça signifie maintenant ?» Je ne me le pardonnerai jamais. Vous comprenez, je me disais toujours qu'une bonne scène clarifiait l'air. Si je m'étais douté qu'on allait le tuer cette nuit-là, pauvre vieux Ruben. Poirot avait écouté cette tirade désespérée avec commisération. Je vous ai fait de la peine, dit-il. Je vous en demande pardon. Tâchons maintenant de n'être que pratique, exact, tout à fait terre à terre. Vous restez persuadé que c'est Monsieur Tréfousis qui a tué votre mari ? Lady Astwell se redressa. Monsieur Poirot, l'instinct d'une femme ne la trompe jamais. « Naturellement, naturellement, dit Poirot. Mais alors, quand l'a-t-il fait ?»« Quand ? Mais après, quand je n'étais plus dans la salle de la tour. »« Vous avez quitté Sœur Ruben à minuit moins le quart. Monsieur Leverson est rentré à minuit moins cinq. Vous pensez que dans l'espace de ces 10 minutes, le secrétaire qui était dans sa chambre est revenu et l'a tué ? C'est parfaitement possible. Tant de choses sont possibles, dit Poirot. En 10 minutes, cela pouvait se faire, oui, mais cela s'est-il fait ? Il prétend qu'il était au lit, dormant profondément. Mais qui peut savoir s'il y était ou non ? Demanda Lady Astwell. Poirot lui rappela que personne n'avait vu Tréfusy circuler à cette heure-là. Bien sûr, personne ne l'a vu. Tout le monde était couché et endormi, dit Lady Astwell d'un ton triomphant. Je me le demande, pensa Poirot qui dit presque aussitôt. Eh bien, Lady Astwell, je vous souhaite une bonne nuit. Et c'est à mon tour de vous souhaiter une bonne nuit, car c'est ici que se conclut notre chapitre 9. Je vous donne rendez-vous demain pour le chapitre 10, évidemment. Bonne soirée. La lecture du soir sur la radio des bons cons. La bonne lecture. Pour s'endormir tout en écoutant. La lecture du soir avec Mona et Louison. Bonsoir et bienvenue à notre 9e séance de lecture nocturne. Dans les épisodes précédents, Messie Jackson et Alex Glocker ont enfin succombé à cette tension sexuelle qui les tenaillait, et ils ont conclu. Du coup, ça les a un peu distraits de leurs négociations concernant la garde de leur fils, donc on ne sait pas si Alex va s'obstiner à demander la garde complète de Cory, ou si c'était juste du bluff. En attendant, ils passent juste du temps avec lui pour apprendre à mieux le connaître. Sans plus tarder, on y retourne. La nuit tombait quand Alex gara sa voiture devant la maison de Willadine. Cory dormait profondément, et Messie décida de le porter chez elle sans le réveiller. Alex avait beaucoup réfléchi durant cette journée. Même s'il ne voyait pas encore très bien ce qu'il allait faire du reste de sa vie, il était sûr d'une chose. Il ne voulait perdre ni Messie, ni Cory. Mais il était encore sous le coup de sa colère de la veille, et il savait qu'il lui serait très difficile de pardonner son attitude passée à la jeune femme. « Messie, tu devrais entrer dans la maison et allumer les lampes. Ensuite, je porterai notre petit bonhomme dans sa chambre. » La jeune femme ouvrit doucement la portière, puis elle fouilla dans son sac à main et en tira les clés. « Je te suis, » dit Alex. Il sortit de la voiture, étira ses membres ankylosés par le long trajet, puis se pencha pour soulever son fils endormi. « Pas aller au lit, » marmonna Cory en se blottissant contre la poitrine de son père. Alex s'immobilisa, la gorge nouée, ému de tenir pour la première fois son fils tout contre lui. Messie avait ouvert la porte d'entrée et allumé quelques lampes à l'intérieur. Dans la chambre de Cory, elle tint la porte ouverte pour que la lumière du hall éclaire le lit. « Je ne voudrais pas le réveiller en allumant, » murmura-t-elle. Alex acquiesça d'un hochement de tête et entra dans la pièce pendant que Messie ouvrait les draps. Il déposa doucement l'enfant sur le lit, puis retint sa respiration car Cory marmonnait quelques mots et remuait comme s'il cherchait la meilleure place. Messie lui ôta ses chaussures avec précaution. Puis l'enfant sembla trouver sa position et, quelques instants plus tard, il dormait profondément. Appuyé contre le montant de la porte, Alex suivait la scène en retenant son souffle, regrettant de n'avoir pas pu y assister plus souvent depuis la naissance de Cory. Ému, la gorge étrangement serrée, il battit des paupières car ses yeux picotaient désagréablement. Messie s'était assise au bord du petit lit. Elle caressait le front de Cory et arrangea ses couvertures. Ensuite, elle déposa un léger baiser sur son front. « Comme il paraît petit dans ce lit !» murmura Alex avec émotion. Messie lui sourit et se leva pour le rejoindre dans le couloir. « Tu le trouves petit maintenant ? Si tu l'avais vu quand il est né ?» dit-elle avant de détourner le regard, visiblement embarrassée. Mais Alex ne releva pas la remarque. « As-tu des photos de lui quand il était plus petit ?» Messie ouvrit des yeux étonnés. Puis un sourire éclaira ses beaux yeux noisettes, effaçant ses traces de fatigue qui ne la quittaient pas depuis quelques jours. « Comme toutes les mères, je suis très fière de ma progéniture. J'ai des albums de photos. J'aimerais les voir. Tu sais, j'en ai des quantités. Tu vas trouver cela ennuyeux ?» Non, cela ne m'ennuiera pas. Mais je ne veux pas t'obliger à veiller. Regardons alors l'album numéro 1. Numéro 1 ? Combien en as-tu ? Un par année, répondit-elle en allant prendre sur une étagère un gros album blanc. Nous venons juste de commencer le cinquième. Viens t'asseoir sur le canapé. Elle s'installa et tapota le coussin à côté d'elle. Allons, viens. Tu ne vas quand même pas me priver de la fierté de te montrer le plus beau bébé du monde. Messi posa l'album sur ses genoux et l'ouvrit à la première page. Alex comprit alors pourquoi il semblait rempli à craquer. Il contenait, en plus des photos, de nombreux souvenirs. Sur la première page était fixé un cliché d'appareil instantané. On y voyait un minuscule bébé enveloppé dans une couverture bleu pâle. Messi l'effleura de la paume. C'était environ 5 minutes après sa naissance, dit-elle doucement. En se penchant pour mieux voir la photo, Alex respira le parfum de Messi. Il mourait d'envie d'enfouir son visage dans ses cheveux, puis de faire l'amour avec elle. Mais ce n'était pas pour ça qu'il était venu. Détournant à grande peine son attention de la jeune femme, il se concentra sur la photo de Corinne nouveau-née. L'image le déconcerta. Elle semblait si petite. Il désigna une bande plastique glissée dans le livre. « Qu'est-ce que c'est ? » demanda-t-il d'une voix étranglée. « C'est le bracelet d'identification que portait Corinne à la clinique. » Alex le prit, le retourna et lut la mention sur l'étiquette. « Cornelius Jackson. » Un instant, il ferma les yeux. Le nom aurait dû être « Blocker ». Mais il était trop tard maintenant. Beaucoup trop tard. « Il faut que je parte, » dit-il brusquement en se levant. « Remettons cela une autre fois. Je suis fatigué. » Il mentait, mais à présent, une seule chose lui importait. Quitter cette maison au plus vite. Mais s'il l'avait suivi, et comme elle avait du mal à actionner le verrou, elle posa la main sur son bras. Le souffle court, il se retourna. Elle le regardait, l'air interrogateur. « Ne pars pas, » dit-elle doucement. « Je ne peux pas rester. C'est trop de choses à la fois. Tu ne peux pas comprendre. Laisse-moi. » Mais la jeune femme passa les bras autour de son cou. Puis, se haussant sur la pointe des pieds, elle l'embrassa. Ce n'était qu'un baiser affectueux sur la joue, mais Alex, stupéfait, effleura du bout des doigts l'endroit où elle l'avait embrassé. « Je comprends, » murmura-t-elle. « C'est tout nouveau pour toi. Il te faudra du temps pour t'habituer à tout cela. » Puis elle lui caressa doucement la joue et se recula pour le laisser partir. Le cœur battant sourdement dans sa poitrine, Alex luttait contre un flot de sentiments contradictoires. D'une démarche mal assurée, il quitta la maison, dévala les marches du porche et s'enfonça dans la nuit. Il s'était réveillé tard, mais se leva à temps pour voir Messi avant qu'elle parte à son travail. Assis sur le canapé, il paraissait en regardant les nouvelles du matin à la télévision lorsqu'elle frappa à la porte et entra sans attendre la réponse. Tout le monde agissait de cette façon dans le voisinage. « Bonjour, » dit-il. Elle répondit brièvement à son salut. « Est-ce que ta grand-mère est levée ? » ?»« Chez moi, la climatisation est tombée en panne et je voudrais lui demander de recevoir le technicien. J'ai laissé un mot pour lui sur la porte. Il viendra prendre ma clé ici. Grand-mère est dans la cuisine. Qu'est-ce qui ne marche pas exactement ? » Il avait bien remarqué qu'il régnait chez elle une chaleur étouffante les 2 soirs précédents. Il quitta le canapé et étendit la télécommande à Cory qui se hâta de s'asseoir et de changer de chaîne pour regarder les dessins animés du matin. « Elle ne fonctionne plus du tout. J'ai peur que la surtension après la tempête l'ait endommagée, » répondit Messi, fuyant délibérément le regard d'Alex. « Je connais par cœur la mécanique intérieure des corps, mais je ne connais rien aux appareils de ce genre. » « Ne t'inquiète pas pour lui, » lui assura Willadine qui venait de sortir de la cuisine en s'essuyant les mains avec un torchon. « Je m'assurerai que la réparation soit faite, et il fera bien frais dans ta maison quand tu rentreras. »« Merci, vous me sauvez la vie, » répondit Messi en donnant à la vieille dame une affectueuse accolade. En se retournant vivement, elle heurta Alex. « Oh, tu m'as fait peur !» Il la prit entre ses bras et la retint, heureux de sentir le contact de son corps et l'étrange vibration qui circulait entre eux quand ils se touchaient. Leurs regards se mêlèrent, mais Messi détourna prestement les yeux. « Mon travail m'attend, » murmura-t-elle. Et se dégageant, elle quitta la maison. Mais Alex l'avait vue assez longtemps pour remarquer ses yeux gonflés. Il avait fait pleurer Messi, et il ne savait pas pourquoi. Il avait pourtant cru qu'ils avaient conclu une sorte de trêve la veille au soir. À moins qu'il n'ait commis une erreur en s'enfuyant comme il l'avait fait. Peut-être avait-il donné à Messi l'impression qu'il ne s'intéressait pas à Cory. Mais il s'était enfui, car il n'avait pas voulu offrir à la jeune femme l'image d'un homme, ému jusqu'aux larmes par la photographie de son fils nouveau-né. Il avait toujours vécu en militaire, et un militaire ne pleurait pas. Mon Dieu, il ne savait plus du tout où il en était. Dans l'armée de l'air, on apprenait des procédures et des règlements pour tout. On l'avait préparé à affronter les pires scénarios, mais il n'avait jamais été préparé à ce qu'il était en train de vivre. « Oncle Alex, tu veux jouer au ballon avec moi ?» Un ballon de football à la main, son fils levait vers lui un regard attendrissant. Alex afficha un sourire contraint. Il désirait plus que tout au monde que Cory l'appelle « papa ». Mais ce n'était pas à lui de révéler qu'il était son père. C'était à Messi de le faire. Et il se demandait quand elle se déciderait. « Bien sûr, fils, que je veux jouer avec toi. » « Fils. » C'était un mot si simple. Pour Cory, cela ne signifiait rien. Mais pour Alex, il signifiait tellement de choses. Pour l'instant, il devrait se contenter de cela. Messi reposa le récepteur du téléphone. Combien de fois depuis le matin avait-elle voulu appeler Henri Schaeffer, le seul avocat de la ville, pour le consulter sur sa situation par rapport à Alex? Et combien de fois avait-elle raccroché avant qu'on ait décroché à l'autre bout du fil? Elle ne voulait pas traîner Alex devant un tribunal pour laver son linge sale en public, mais elle ne voulait pas non plus qu'il lui intente un procès pour obtenir la garde de Cory. Bien sûr, une petite voix lui disait qu'il était incapable d'une telle chose. Mais s'il devait y avoir un procès, elle ne voulait pas l'affronter sans armes. Pourtant, elle n'avait pas encore trouvé le courage d'appeler un avocat. Le faire, ce serait reconnaître qu'il ne pouvait pas régler cela en adulte. Ce serait aussi admettre qu'elle avait fait une erreur 5 ans plus tôt. Poussant un long soupir, Messi rangea en pile nette toutes les fiches de ses patients qu'elle avait déjà vues. Cette semaine, le travail au dispensaire avait retrouvé un rythme normal. C'était déjà ça. Messi quitta la salle d'examen 1 et s'aperçut avec satisfaction qu'il n'y avait aucune fiche en attente dans le support placé près de la porte de la salle d'examen 2. Elle appréciait les pauses entre deux consultations. Cela lui laissait le temps de réfléchir, mais aussi de ruminer ses soucis. Depuis sa place derrière le comptoir de la réception, Bettina coula un regard dans sa direction. « Apparemment, vous avez besoin d'un peu de calme. Ça tombe bien, il n'y a personne dans la salle d'attente. » Messi savait bien qu'elle avait mauvaise mine, mais elle n'aimait pas qu'on le lui rappelle. « Merci, Bettina. Ce sont mes allergies qui me tracassent. Mais je crois que je vais vous prendre au mot. Je vais me reposer quelques minutes dans mon bureau. Appelez-moi quand le patient suivant arrivera. » « Entendu, docteur. » Tout en s'éloignant vers le fond du couloir, elle entendit Bettina marmonner. « Allergie ? Mon œil. C'est cet Alex Blocker. » Après avoir accroché, Alex poussa un cri de triomphe. Jennifer Larsen venait de lui apprendre ce qui, en un sens, constituait une bonne nouvelle. Il savait pourquoi Cornelius Jackson n'était pas revenu chercher ses enfants à Lindenville. Depuis la cuisine, grand-mère lui jeta un regard étonné. « Que signifie ce cri de vainqueur ?» Alex la rejoignit, esquissa avec elle un pas de danse, puis il déposa un baiser sur ses cheveux argentés. « Corny Jackson n'a pas abandonné sa famille !» Grand-mère se recula pour le regarder droit dans les yeux. « Comment le sais-tu ?» C'était Jennifer Larsen, le détective privé auquel j'ai demandé d'enquêter sur la disparition de Cornelius Jackson. Elle a trouvé ce qui lui était arrivé. « Dieu soit loué !» dit grand-mère en affichant un large sourire. « Alors, que s'est-il passé ?»« Je ne peux pas te le dire. Du moins pas encore. Je dois parler à Messi avant. »« Je comprends, mais ne me fais pas attendre trop longtemps. » »« Jennifer va m'envoyer des photocopies, des preuves tangibles. »« Si je peux prouver à Messi que son père ne l'a pas abandonné, » elle arrêtera peut-être de transférer sur moi la colère et le chagrin causés par la disparition de son père. « Ah ? Parce que c'est ce qu'elle fait ?»« Oui. Elle pense que tous les hommes de sa vie finissent par la quitter. Son père, puis CJ. Et moi aussi. En fait, c'est elle qui m'a quittée en me dissimulant la naissance de mon fils. Et CJ est mort. Et maintenant, à la lumière de ce que m'a dit Jennifer Larsen, je peux prouver que Corny non plus ne l'a pas abandonné. » En fait, j'ai toujours pensé qu'il devait y avoir une bonne raison pour qu'il ne revienne pas. Maintenant, tu as des éléments sérieux. C'est merveilleux pour Messi, et pour son frère Ty aussi. Alex n'écoutait plus sa grand-mère. Il allait revoir Messi à la fête d'anniversaire de grand-mère le lendemain soir. Elle n'allait tout de même pas se montrer glaciale dans une pareille occasion. Et il lui parlerait de son père. Et voilà, le chapitre d'aujourd'hui est terminé. On se retrouve demain pour la suite. Dormez bien et faites de beaux rêves. Gros bisous mes bons cons. La lecture du soir sur la radio des bons cons. La bonne lecture. Pour s'endormir. Toute l'équipe de la Radio des Bons Cons vous souhaite une bonne nuit à l'écoute de ces programmes.